traces de chirurgie ont été découvertes depuis des temps préhistoriques. Cette discipline a suivi au fil des âges une histoire étrange. Interdite formellement, comme l'était l'accès aux viscères par l'Europe médiévale catholique, elle a été découplée de l'art noble de la médecine pour être confiée à ceux qui avaient les lames les plus affûtées, les barbiers. C'est au XVIIe siècle, suite à l'opération nécessaire d'une fistule du roi Louis XIV, que la chirurgie a fait son retour sur le devant de la scène médicale et récupéré peu à peu ses lettres de noblesse. Indissociable de la guerre, la chirurgie est une autre histoire plus sanglante, mais non moins passionnante, de la médecine. Histoire de la chirurgie, ça va couper. C'est le programme à cœur ouvert qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous narrer cette histoire bien dégagée derrière les oreilles, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Noël Fabiani-Salmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à Paris Descartes, également auteur de l'incroyable histoire de la médecine illustrée par Philippe Bercovici, c'est aux éditions des Arènes. Et Jean-Louis Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien maxillofacial, président de l'Association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille et vice-président du conseil scientifique de la fondation Les Gueules Cassées. Mais on commence par celle qui passe ses longues nuits d'insomnie à regarder des opérations à cœur ouvert à la télévision. C'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Pour le Journal des Sciences. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Astronomy. Pour la première fois, nous avons étudié la face cachée d'une exoplanète. Oui, grâce aux données du télescope spatial Hubble, les chercheurs du MIT sont parvenus à étudier dans le détail une exoplanète assez particulière, WASP-121b. Un Jupiter chaud, presque deux fois plus gros et deux fois plus massif que Jupiter, et qui se situe à 850 années-lumière de nous. Elle est très proche de son étoile et elle tourne très vite autour. Une année sur place ne dure que 30 heures. De fait, elle est très chaude et relativement lumineuse, ce qui nous permet donc de l'observer plus facilement. Autre particularité de WASP-121b, grâce à un effet de marée, c'est toujours la même face de la planète qui est éclairée par son étoile, un peu comme pour la Lune. Les chercheurs ont réussi à suivre les propriétés spectrales, c'est-à-dire la composition de ces deux faces, ce qui nous permet ainsi d'obtenir, pour la première fois, une vue globale de la météorologie d'une exoplanète. On y découvre une atmosphère très exotique, faite de nuages métalliques. David Mouillet est astronome à l'Observatoire des sciences de l'Université de Grenoble. Il y a une partie de la planète qui est toujours éclairée par son étoile et une partie qui est toujours de nuit. Et ça a pour conséquence que les conditions sont extrêmement différentes d'un côté à l'autre. Globalement, la planète est très chaude, mais la partie nuit, elle n'est que à 1500 degrés, tandis que la partie jour, elle est à 3000 degrés. Ça veut dire que les conditions physiques sont très différentes, mais aussi la chimie, les profils, les équilibres, les vents, tout l'ensemble de l'équilibre de l'atmosphère de la planète va être conditionné par ça. Alors là, c'est la première fois où ils arrivent à avoir une caractérisation non seulement du côté jour, ça avait déjà été fait pour quelques cas, et là, ils apportent en plus une deuxième pièce du puzzle, qui est la caractérisation de ce qui se passe côté nuit. Et en fait, c'est en combinant les deux qu'on cherche à avoir une vision globale, finalement, des conditions qui se passent à l'ensemble de la planète, parce que forcément, les deux côtés sont liés les uns avec les autres, donc ne connaître que un seul des côtés, on est extrêmement difficile d'avoir une interprétation globale. Ce qui a pu être mesuré là directement, et non pas issu des modèles, c'est le fait que le profil de température s'inverse lorsqu'on s'élève dans l'atmosphère entre la partie jour et la partie nuit. Et alors pour interpréter cela, en fait, il faut faire intervenir beaucoup de processus physiques qui se mélangent. Il y a d'abord les radiations, mais aussi la présence des principaux composés chimiques, et en particulier des éléments lourds, qu'on appelle les métaux. Plus il y en a, en fait, plus ils vont être en capacité d'absorber et de réémettre de l'énergie. Donc ça va jouer sur l'opacité de l'atmosphère et donc la possibilité de créer des nuages. Du coup, ça va modifier la température. Ensuite, cette température également va empêcher des condensats de se créer qui vont rétroagir sur la quantité de métaux effectivement qui sont présents dans cette atmosphère. Donc là, moi, je vois un peu cette étude comme une avancée observationnelle, mais aussi du coup la capacité à tester des modèles numériques similaires à ce qu'on peut faire sur la Terre, et donc à permettre d'avoir un premier exemple de ce cas favorable, d'étudier un peu de manière cohérente les équilibres qui a lieu dans une atmosphère aussi exotique que celle-là. Voilà, cette atmosphère exotique, vous pouvez en connaître tous les détails dans l'étude publiée dans Nature Astronomie, dont nous venons de republier le lien sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans Nature Communication, cette fois, des chercheurs ont reproduit en laboratoire le virus du SARS-CoV-2. Alors ça ne signifie pas que ce virus a été créé dans un laboratoire, ça signifie juste que l'on peut reproduire un virus que l'on connaît pour mieux étudier sa pathogénèse. Alors pour comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de l'infection, des chercheurs allemands ont créé des virions synthétiques minimaux de SARS-CoV-2, des particules virales artificielles et inoffensives. Ils ont observé l'action des acides gras inflammatoires sur la protéine de pointe du virus. Ce sont les acides gras qui permettent une meilleure réponse immunitaire. Et ils ont découvert que lors de la liaison des acides gras, la protéine de pointe se plie, comme pour esquiver le système immunitaire. Les chercheurs veulent maintenant étudier ce mécanisme de repli pour développer de meilleures stratégies thérapeutiques. Selon une étude parue dans PNAS, les taux de fonte se sont extrêmement élevés au bas de la calotte glaciaire du Groenland. Pendant 7 ans, au glacier Storhol, au Groenland, une équipe internationale a étudié, par radiosondage, la quantité et la rapidité de l'écoulement de l'eau de surface jusque vers le bas de la calotte. Au fur et à mesure que l'eau de fonte tombe, l'énergie est convertie en chaleur, un peu comme l'énergie des grands barrages. Et selon leurs calculs, chaque jour, au cours de l'été 2014, 82 millions de mètres cubes d'eau ont chuté dans le lit du glacier Storhol, un taux de fonte qui produit plus d'hydroélectricité que les 10 plus grandes centrales hydroélectriques du monde réunies. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Small, les ondes sonores peuvent transformer des cellules souches en cellules osseuses. Les cellules souches de moelle osseuse sont extrêmement douloureuses à extraire. Des chercheurs australiens viennent de trouver une alternative. À l'aide d'une micropuce, ils ont découvert que des ondes sonores à haute fréquence, dirigées vers des cellules souches, déclenchaient la différenciation des cellules. Avec un traitement sonore de 10 minutes pendant 5 jours, les cellules souches se transformaient rapidement et efficacement en cellules osseuses. Les analyses ont révélé la présence de collagène produit par les cellules osseuses, une méthode facile et bon marché qui pourrait, selon les auteurs, être facilement utilisée pour faire repousser les tissus osseux. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la SF. Si l'on devait résumer en une expression l'évolution de la chirurgie à travers les âges, ce serait peut-être éloge de la lenteur. Des premières traces d'intervention chirurgicale ou d'amputation de l'ère préhistorique à la chirurgie ambulatoire d'aujourd'hui, l'acte chirurgical avec l'aide des évolutions technologiques et pharmaceutiques est devenu de plus en plus rapide et de plus en plus anodin. Au fil du temps, les chirurgiens qui devaient opérer le plus rapidement possible pour éviter la mort de leurs patients ont ainsi gagné du temps, de la tranquillité et un cadre d'opération de plus en plus hygiénique et sécurisé. La chirurgie pourrait elle-même être en voie de disparition face aux avancées de la médecine préventive, de la prophylaxie et aux actes non-invasifs. Nous en discuterons à la fin de cette émission. Toujours est-il que pour l'heure, la chirurgie a toujours exercé une forme de fascination, comme en attestent ces programmes télévisés dont je parlais tout à l'heure, qui diffusaient et parfois en direct des émissions d'opérations dont certaines à cœur ouvert. Attachez vos ceintures, c'est notre chiffre du jour. Le Val-de-Grâce nous a ouvert ses portes. C'est dans le service de chirurgie générale de la deuxième section que nous pénétrerons d'abord. Nous y assisterons à la consolidation d'une pseudarthrose du fémur. Nous assisterons d'abord à l'anesthésie du patient. Anesthésie. Si les noms des grands chirurgiens que nous avons évoqués tout à l'heure nous remplissent d'admiration, on ne peut s'empêcher de penser qu'ils œuvraient sur des blessés possédant toutes leurs facultés, c'est-à-dire toute leur sensibilité. Et les hurlements des gens que les chirurgiens opéraient sur les champs de bataille ne peuvent que nous faire frémir rétrospectivement. Ici, tout est silence, tout est calme. Et cela, grâce à l'anesthésie qui se donne si facilement, si vite, sans laisser aucun trouble postérieur. Je demande à l'anesthésiste, est-ce que je peux vous demander, monsieur, quelle anesthésie vous employez en ce moment ? Oui, nous employons le mélange de Schlech. C'est-à-dire ? Qui est un mélange de chloroforme, d'éther et de chlorodéthyle. Et pourquoi emploie-t-on ce mélange ? Plutôt que l'éther. Parce que l'éther est assez toxique pour le rein. Alors, il est préférable d'employer un mélange de chloroforme, de chlorure et d'éther qui diminue la toxicité de l'éther en même temps qu'il diminue la toxicité du chloroforme. C'est ça. La toxicité du chloroforme. Je vous remercie beaucoup. C'est une anesthésie générale. C'est une anesthésie générale. Merci beaucoup. Par inhalation. En ce moment, le chirurgien est en train de prélever sur le tibia du patient un greffon. C'est-à-dire qu'il prend dans ce tibia une partie d'os qu'il fixera tout à l'heure à l'endroit où l'os manque, c'est-à-dire à la partie supérieure du fémur. Voilà, ce temps béni où à la radio et à la télévision étaient diffusées des opérations enregistrées ou en direct. Comment expliquez-vous l'un et l'autre cette grande popularité qu'a pu avoir notamment dans les médias et qui a certainement toujours encore dans l'inconscient collectif la chirurgie, Jean-Noël Fabiani-Salmon? Écoutez, je crois que la chirurgie est très spectaculaire et donc il y a un côté à la fois répulsion devant l'acte chirurgical, mais en même temps le côté séducteur d'un acte un peu mythique qui est en train de se réaliser. Je crois que c'est pour ça que ça a eu beaucoup de succès, à une certaine époque en tout cas, à la télévision et à la radio. Jean-Louis Blanc, votre analyse ? Oui, je pense aussi que la chirurgie est, comme vous le disiez, très spectaculaire, et puis on a toujours impressionné par l'acte chirurgical, et au fond de soi, on se dit, mais peut-être que un jour, on va avoir besoin de ces techniques. Et à l'heure actuelle, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir voir sur Internet les techniques chirurgicales que l'on nous a proposées pour le patient. Ce qui est intéressant dans l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui, c'est que bien le chirurgien que l'on révère aujourd'hui et qui est aujourd'hui provoque cette fascination que vous décrivez a pourtant dû au fil des années reconquérir sa place comme égal du médecin après avoir été longtemps mis de côté, un peu comme une sorte de simple mécanicien du corps humain par rapport au médecin qui lui détenait le savoir, Jean-Noël Fabiani-Salmon. Oui, ça c'est lié au fait que l'Église a décidé au Moyen-Âge, par plusieurs conciles successifs, de décréter que les prêtres, c'est-à-dire ceux qui étaient en fait médecins au Moyen-Âge, on leur interdisait de pratiquer toute activité par le fer et par le feu. Alors bien sûr, on s'attaquait surtout au fait qu'ils ne puissent pas prendre les armes. Mais en fait, la chirurgie, c'était par définition fait par le fer et par le feu. Hein. C'était à la fois la lancette et puis le cautère. Donc, tout ce qui était activité chirurgicale a été condamné par l'Église. Et quand les universités ont ouvert, vers 1200 à peu près, eh bien, on a immédiatement séparé ce qui était art mécanique, c'est-à-dire la chirurgie qui ne pouvait pas intervenir comme un enseignement universitaire, et la médecine qui, elle, était un art libéral et qui, au contraire, quand on parlait latin, me permettait de commenter les textes. Autrement dit, les chirurgiens sont, à partir de ce moment-là, considérés comme inférieurs, ils ne parlent pas latin, ils ne sont pas instruits, ils sont tout pour autant très très efficaces, et ils rendent beaucoup de services à la population, mais ils ne sont pas considérés comme les médecins, c'est-à-dire comme des savants. Tout ça parce qu'ils ne parlent pas le latin, qu'ils ne connaissent pas Aristote, et qu'ils ne peuvent pas commenter les livres, comme font essentiellement les médecins, parce qu'ils n'ont aucun moyen de traitement au Moyen-Âge, les médecins. Mais les chirurgiens, avec leur bistouri, bah, ils peuvent percer un abcès, ils peuvent faire une saignée, ils peuvent faire une amputation, donc ils rendent quand même service à la population. C'est là d'où vient la grande différence, et elle va durer pendant des siècles, avec d'un côté les médecins qui pérorent en latin, et les chirurgiens qui, avec leur bistouri, essayent de faire ce qu'ils peuvent, et ils peuvent faire rendre des services finalement non négligeables à la population. Et puis l'autre grand pan très important, Jean-Louis Blanc, c'est que, comme je le disais dans l'introduction de cette émission, l'histoire de la chirurgie est intimement liée à l'histoire des guerres, et vous le disiez vous-même, quand vous avez commencé en tant qu'interne, vous continuez à avoir recours à des techniques de chirurgie de guerre. Absolument, la chirurgie de guerre a été un des grands a permis de faire progresser grandement la chirurgie, et sa progression est parallèle à la progression des engins, on pourrait dire, de dilacération, c'est-à-dire que l'apparition progressive de l'artillerie a modifié complètement les blessures des soldats et par cela même à imposer aux chirurgiens, à ceux qui les pratiquent, à ceux qui les soignaient, d'inventer des techniques. C'est comme Ambroise Paré qui a remplacé la technique du cautère, du fer rouge, pour arrêter les hémorragies par la ligature des artères, et que ça a fait progresser considérablement. C'est lui qui a fait la première amputation moderne en ligaturant les artères au lieu de passer le cautère. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 4h15, nous vous racontons donc aujourd'hui l'histoire de la chirurgie avec Jean-Noël Fabiani-Salmon et Jean-Louis Blanc. Si on remonte maintenant complètement le fil chronologique, Jean-Noël Fabiani-Salmon, quelles sont les plus anciennes traces de chirurgie attestées bien à la préhistoire donc ? À la préhistoire, c'est très simple. On a retrouvé des squelettes avec des fractures consolidées. Si on a trouvé des fractures consolidées, ça veut dire que quelqu'un a été présent pour aligner les os et pour assurer aux patients les soins nécessaires du temps que la fracture consolide. Donc ça, c'est je crois que c'est la naissance de la civilisation. À partir du moment où on a des fractures consolidées sur des os, et ça remonte, soyons clairs, hein, au paléolithique. Mmh. Bon, on a des traces de trépanation aussi que tout le monde a noté, mais c'était sans doute plus un acte vraisemblablement magique pour enlever le mauvais esprit de la tête que véritablement un acte médical. Et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, les chirurgiens ont été capables d'intervenir non seulement pour la traumatologie, mais également pour l'obstétrique. Hein, ça a quand même eu un rôle depuis toujours. C'est intéressant parce qu'on en parlait dans le Journal des Sciences il y a quelques jours. On vient de retrouver une trace de mastoïdectomie en 5300 en Espagne, Jean-Noël Fabiani-Salmon. Donc là, pour le coup, une mastoïdectomie, ça, on peut imaginer que c'était certainement pour à quoi ça aurait pu servir d'ailleurs ? Comment est-ce que vous l'interprétez, vous ? Ben, j'imagine que pour faire une chose pareille, c'est qu'il devait y avoir un abcès ou quelque chose de ce genre et qu'on a drainé et qu'on a enlevé la partie de l'os qui était infectée. Je ne vois pas à quoi ça pouvait servir autrement. Jean-Louis Blanc, vous vouliez réagir ? Oui, parce que mastoïdectomie, en fait, c'est effectivement ce que le professeur Fabiani vient de dire. Ça correspond à une incision d'abcès. Alors après que l'os ait été détruit, c'est destruction spontanée par l'infection osseuse. Donc, c'est mastoïdectomie, ça correspond à une incision d'abcès, exactement. Alors, si on avance, le chirurgien n'a pas toujours eu cette place de paria de la médecine que vous décriviez l'un et l'autre en introduction de cette émission, puisque si on prend les premières civilisations du croissant fertile et du bassin méditerranéen, on trouve des traités chirurgicaux en Égypte, par exemple, Jean-Louis Blanc. Alors oui, on a trouvé des papyrus en Égypte. Je voulais dire aussi que parmi les interventions très anciennes, il y a l'intervention de la cataracte. La cataracte qui était traitée par la méthode de l'abaissement du cristallin depuis des temps très très anciens. C'était donc une chirurgie extrêmement extrêmement précise et ancienne qui a duré dans sa forme ancienne jusqu'au XVIIIe siècle. Là, après, la technique a changé et c'est devenu une technique moderne. C'est-à-dire une chirurgie de l'œil qui consiste en quoi, en quelques mots ? La chirurgie de l'œil qui consiste à traiter la cataracte. La cataracte qui consiste qui est caractérisée par l'opacification du cristallin, cette petite lentille qui est à la partie antérieure de l'œil, et que depuis des temps très très anciens, on traitait en faisant une piqûre avec une petite aiguille au niveau de la chambre antérieure de l'œil, et on poussait le cristallin vers le bas, on le laissait dans la cavité oculaire, mais on l'enlevait du milieu et les gens y voyaient mieux après quand ça se passait bien. Jean-Noël Fabiani-Salmon, un mot sur ces civilisations du Moyen-Orient, Égypte, Babylone, avant d'arriver à l'Antiquité gréco-romaine, on a là des traités, on a des textes, on a des traces qui montrent que les personnes qui effectuaient les actes chirurgicaux étaient tout à fait valorisées pour les actes qu'ils effectuaient. Alors, ils étaient valorisés, en effet, notamment en Mésopotamie, en sachant qu'il y a des textes, notamment dans le code d'Hammurabi, qui sont très clairs, où on avait déjà réglé le problème de la responsabilité médicale. C'est-à-dire que si vous faisiez une opération et que le malade survivait, eh bien, on vous donnait plusieurs cycles d'argent pour vous récompenser. En revanche, si jamais le malade mourait, on risquait de vous couper la main. Alors, c'est pas non plus un avenir flambant pour un chirurgien. Vous voyez, ils avaient déjà réglé la question de la responsabilité médicale. Si on arrive et qu'on dit un mot rapidement, parce qu'évidemment on parcourt tout ça parfois un peu vite, mais ce qui est intéressant quand on regarde sur la Grèce antique, vous allez nous en dire un mot tous les deux, on trouve chez Hippocrate cette citation: la guerre est la seule véritable école du chirurgien. Donc dès l'Antiquité, il y a vraiment ce lien qui est fait entre la guerre et la chirurgie. Jean-Louis Blanc. Oui, c'est une constante, hein, c'est une constante. C'est-à-dire que la traumatologie, finalement, c'est ce qui permet de faire des progrès, et c'est une constante. Et à l'époque que vous citiez là, d'Hippocrate, c'est une époque où quand même la médecine et la chirurgie étaient confondues, hein. Il n'y avait pas le médecin d'un côté, le chirurgien de l'autre. Et ça ne sera, comme on l'a dit tout à l'heure, que plus tard, à partir du Moyen-Âge, qu'on va séparer les deux aux grandes dames des grands médecins de l'époque, qui étaient, par exemple, Lanfranc de Milan, qui était catastrophé par le fait que, normalement, pour lui, le médecin devait s'occuper aussi de traiter les patients chirurgicaux. Mmh. Évidemment, c'était un combat perdu d'avance, et après, tout s'est séparé. Les deux spécialités se sont séparées. Oui, parce qu'il faut dire qu'évidemment la pratique de la chirurgie est encore assez sommaire, elle conduit quand même encore malheureusement bien souvent au décès du patient, mais tout de même Jean-Noël Fabiani-Salmon, dans le corpus hippocratique, on trouve tout de même sur la soixantaine de livres, on en trouve 6 qui traitent de la chirurgie. Absolument, c'est incontestable que le médecin était aussi chirurgien, comme on vient de le dire, ou bien, alors on parlait de la guerre, mais regardez le grand Galien, donc on est un peu plus tard qu'Hippocrate, hein, on est au deuxième siècle après Jésus-Christ, mais enfin, Galien qui a été quand même celui qui a fait la synthèse de toute la médecine antique, eh bien, il a fait son expérience parce qu'il était le chirurgien de l'école de gladiateurs de Pergame. Oui. Et donc, l'école de gladiateurs, c'était quelque chose de très important parce que il fallait soigner les gladiateurs, il s'agissait pas de les perdre, les gladiateurs, hein, ça valait de l'argent. Donc il fallait s'en occuper, et bien s'en occuper. Et toute la chirurgie qu'apprend Galien, et dont il va ensuite faire état dans lui aussi une œuvre de plus de 500 livres, c'est ce qu'il a appris lorsqu'il était chirurgien des gladiateurs de sa ville. Et c'est intéressant parce que dès l'époque romaine, on a des traités, on a des textes, on a des pratiques, hein, on peut penser notamment à la césarienne, Jean-Noël Fabiani-Salmon, si vous voulez nous dire un mot là-dessus. Qui vient d'un des ancêtres, non pas de Jules, mais d'un des ancêtres de César. Absolument, mais bien entendu, la césarienne de l'époque, c'était une césarienne qui prétendait sauver l'enfant. Elle ne prétendait pas sauver la mère, hein, soyons clairs. Celui qui peut-être aurait réussi une césarienne en sauvant la mère et l'enfant est le grand Avicenne, Imsina, qui aurait pratiqué cette chirurgie chez la fille du sultan chez qui il était en quelque sorte logé, et il aurait sauvé la mère et l'enfant. En tout cas, c'est ce que rapportent ses biographes. Mais la plupart du temps, la césarienne était une opération qui sauvait l'enfant, mais ne sauvait pas la mère. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, dès cette époque romaine, il y a un changement de pratique, puisque c'est Marc Aurèle, je crois, Jean-Noël Fabiani-Salmon, qui va, par conviction religieuse, interdire la dissection anatomique et commencer finalement ce mouvement de recul sur la connaissance du corps humain et sur la pratique des actes chirurgicaux. Oh, ne mettons pas... C'est peut-être un peu trop tôt, non? Ne mettons pas à Marc Aurèle cette responsabilité. D'une façon générale, l'interdit d'ouvrir des corps existe depuis la nuit des temps. Pour qu'un corps puisse aller vers l'immortalité, entre guillemets, que ce soit les enfers pour les uns, que ce soit la vie éternelle des Égyptiens, il y a des rites funéraires à accomplir. Et ces rites funéraires ne peuvent pas passer par la dissection du corps humain. Autrement dit, c'est une pratique qui est rejetée par tous, sauf pendant une petite période qui va durer 60 ans à peu près, à Alexandrie, où deux grands médecins vont pratiquer des dissections et faire une œuvre d'anatomiste réel. Il s'agit d'Hérophile et d'Érasistrate, qui tous les deux vont être des grands anatomistes, mais cette période est très courte dans l'histoire de l'Antiquité, et d'une façon générale, on n'y revient pas, et on ne veut pas y revenir. Et la religion catholique ne va pas améliorer les choses, parce qu'elle croit bien sûr à la vie éternelle, mais aussi à la résurrection des corps. Et comment voulez-vous qu'un corps ressuscite si on a commencé à lui enlever le cœur, le foie et le gésier? Donc obligatoirement, il y a vraiment un interdit de l'ensemble des gens et de la population. Marc Aurèle a peut-être insisté auprès de Galien pour qu'il continue à opérer ce qu'il opérait, hein, des singes et des cochons. Et toute l'anatomie de Galien, ce sont des singes et des cochons. Mais on ne fait pas la dissection. C'est intéressant parce que c'est finalement... Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, je vous en prie, je réponds à votre question. Je disais, c'est intéressant parce que c'est la pensée exacte inverse de l'Égypte antique où il fallait au contraire enlever les viscères pour permettre à l'âme de se libérer du corps. Ce qui est intéressant, c'est que donc on arrive au Moyen-Âge Jean-Louis Blanc, on a décrit cette distinction entre les médecins savants qui connaissent le latin, qui se réclament du corpus galénique et bien d'un seul coup on confie la chirurgie au barbier de l'autre qui parle la langue vulgaire ou en tout cas la langue locale. Et qui eux ne comprennent rien et qui ne sont pas des sachants. Mais ça c'est pour le Moyen Âge occidental parce que la pratique de la chirurgie, elle, continue à se développer et à se répandre dans le Moyen Âge islamique. J'avoue que là. Alors Monsieur Fabiani. Peut-être Jean-Noël Fabiani là-dessus. Certainement. Oui, il y a eu pendant le Moyen Âge islamique vraiment des chirurgiens, c'est-à-dire des médecins qui ont centré leur activité sur la chirurgie. Alors, le grand Avicenne, parce que s'il faut bien voir qui est Avicenne, c'est celui qui, par son canon, le canon d'Avicenne est un livre extraordinaire qui fait plus de 5 tomes et où il rassemble toute la connaissance du Moyen Âge. Il est très galéniste, hein, mais il est aussi chirurgien et il va décrire de nombreuses activités chirurgicales. Et comme son livre va être vraiment le manuel, une fois qu'il aura été traduit en latin, par en particulier Gérard de Crémone à Tolède, eh bien ce livre va être le manuel de tous les médecins du Moyen Âge, même jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on sait très bien que les grands médecins de la période islamique, eh bien ont vraiment été des bons chirurgiens. Alors leur triomphe, c'est comme parlait Monsieur Blanc tout à l'heure, c'était bien sûr l'ophtalmologie avec la cataracte. Ils sont devenus des experts dans le traitement des cataractes. Et quand les croisés arrivent et découvrent, c'est d'abord les hôpitaux, hein, parce que c'est eux qui ont inventé les hôpitaux, les Bimaristan. Et puis quand ils découvrent leur triomphe en ophtalmologie, Saint Louis par exemple, quand il revient à Paris, il a qu'une idée en tête, c'est de créer un hôpital pour les aveugles et il va créer les 15-1. Les 15-1, c'est... Sur le modèle de celui de Bagdad. Oui. Oui, sur le modèle de l'hôpital, du grand hôpital de Bagdad. Absolument. Il revient avec de son, comme idée en tête de créer pour les Français, pour les Francs, un hôpital qui est capable de s'occuper des aveugles, qui va prendre sous sa protection parce qu'il a été impressionné par le talent des ophtalmologistes, en quelque sorte, de toute la période arabe. Il faut peut-être dire un mot d'Aboul Kassis aussi, qui est quand même réputé comme étant le plus grand des chirurgiens médiévaux et père de la chirurgie moderne. Alors, Aboul Kassis, il a publié aussi des traités où on sait qu'il était par exemple un expert dans la réduction des luxations d'épaule avec des dessins qui sont absolument extraordinaires, montrant comment il fallait réduire une luxation d'épaule. Aboul Kassis, en effet, alors Aboul Kassis, ça doit être le 9e siècle à peu près, 10e siècle. C'est ça, 10e. Comment ? 10e, c'est ça. Oui, il était vraiment particulièrement, lui alors centré, Aboul Kassis, sur l'activité chirurgicale. Alors que beaucoup d'autres médecins, parce que le nombre de médecins de cette période arabo-musulmane est très important, mais il a été, lui, vraiment un chirurgien. On va continuer à parler de cette histoire de la chirurgie. On va revenir au Moyen-Âge occidental. On va parler un peu de ces barbiers et on va essayer de comprendre à quel moment la chirurgie rejoint la médecine, à quel moment ce schisme entre les médecins savants et les barbiers pratiquants de l'autre côté se réduit. Et vous allez voir que ce schisme se réduit à l'occasion d'une opération assez célèbre, d'une personne assez célèbre. Ce sera juste après ces quelques secondes musicales. Brian Johnston Massacre, Open Heart Surgery à 16h30 sur France Culture, puisque c'est ce dont nous parlons tout au long de cette heure, de l'histoire de la chirurgie, en compagnie de Jean-Noël Fabiani-Salmon, directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à Paris Descartes, et Jean-Louis Blanc, chirurgien maxillofacial et président de l'association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille. Si on reprend le cours de notre histoire, donc on se retrouve dans le Moyen-Âge occidental avec, on l'a dit, des médecins d'une part, les barbiers d'autre part, et puis une autre catégorie un peu étrange de gens qui pratiquent la chirurgie mais qui sont plus des charlatans vagabonds ou itinérants que d'autres, qu'on appelle les circulatores, Jean-Noël Fabiani-Salmon. Oui, c'est bien sûr, il n'y a pas de texte qui permet de savoir qui est un vrai chirurgien et qui est un charlatan. Le premier qui va légiférer sur la question, c'est Philippe le Bel, qui va clairement sortir un texte en disant et en définissant ce qu'est un chirurgien et en interdisant aux autres de pratiquer la chirurgie. Et d'ailleurs, Jean Pitard, qui est le chirurgien du roi, crée le collège des Saint-Louis d'ailleurs, crée le collège de Saint-Côme, où des chirurgiens jurés vont faire passer des examens en quelque sorte pour donner quelques lettres de noblesse à ces barbiers chirurgiens qui prétendent faire de la chirurgie. Et on essaye de mettre un peu d'ordre. Et d'ailleurs, tous les rois de France vont quand même prendre parti de façon successive pour finalement favoriser les chirurgiens barbiers qui seraient passés à l'école de Saint-Côme pour soigner la population. Et de nombreux textes tout au long de l'histoire des barbiers vont montrer que les rois de France, eh bien, vont en permanence donner des faveurs à ces chirurgiens barbiers, car ils rendent un très grand service, je le répète, dans toutes les villes de France. Et ils sont très nombreux, contrairement aux médecins qui sont bien rares et qui s'occupent en fait que de la population aisée. Alors justement, Jean-Louis Blanc, cette confrérie de Saint-Côme, comment est-ce qu'elle s'organise? Qui exactement la fonde? Comment ça veut dire que avant, quel est l'avant et l'après en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cette confrérie? Est-ce que c'est vraiment une grande école ou une sorte d'université de chirurgie ou pas encore tout à fait? Je vais vous dire, à Marseille, c'est très simple. La confrérie de Saint-Côme et d'Amiens, elle a été fondée au 15e siècle. Les barbiers se sont regroupés dans cette confrérie et ils se sont mis sous le vocable de Saint-Côme et Saint-Damien en se réunissant dans la chapelle. Mais il n'y avait pas que, puisqu'il y avait aussi les marchands, les merciers, les porteurs de chaises, les chapeliers, les corailleurs et les tripiers. Alors cette confrérie, c'était une association qui était à caractère essentiellement au départ religieux, puis est devenue petit à petit laïque et qui était dirigée par des maîtres. Les maîtres qui étaient relativement peu nombreux et qui avaient organisé la formation de ces fameux barbiers qui étaient autorisés à exercer dans la ville. Il y avait deux exceptions parce que en dehors des maîtres, personne ne pouvait exercer la chirurgie, sauf les veuves des chirurgiens. C'était un droit très ancien. Les veuves dans ce corps de métier pouvaient poursuivre l'activité de leur défunt mari à condition que la boutique soit gérée par un compagnon. Et puis la deuxième exception, et c'est là qu'on retrouve un peu ces fameux circulatores, c'était ce que l'on appelait les experts. Alors les experts n'avaient aucun titre officiel et ils avaient une autorité d'exercice, ils n'avaient pas le titre de maître, et c'était des gens qui venaient d'ailleurs et qui possédaient une technique. Donc on voyait arriver les tailleurs de vessie qui enlevaient la pierre, les tailleurs de hernie qui étaient importants, les arracheurs de dents, alors là il y avait beaucoup de charlatans dans les arracheurs de dents, et puis ces fameux abatteurs de cataractes qui étaient les ancêtres des ophtalmos. Et alors, ce qui va se passer, c'est que donc il y a cet ordre qui est créé, mais très vite il y a une forme de résistance hein, de ce qu'on appelle pas encore le corps médical, mais en tout cas de la part des médecins savants, un schisme dès le XIVe siècle qui va bien conduire à un très très long procès et qui va aboutir à la dissolution de Saint-Côme en 1660, Jean-Louis Blanc. Oui, mais les chirurgiens vont recommencer leur système de compagnonnage et eux, ils vont avoir aussi des problèmes entre eux, c'est-à-dire que les chirurgiens, il y avait les chirurgiens et puis il y avait les barbiers et il y a aussi énormément de problèmes entre le barbier qui était accusé de faire de la chirurgie et le chirurgien qui était également accusé de faire le barbier. Donc là aussi, il y avait des problèmes de ce type-là et jusque vers pas la fin de l'Ancien Régime, mais après Louis XIV, où c'est vraiment sous Louis XV qu'on va s'organiser vraiment la profession de chirurgie avec un règlement pour les chirurgiens de Paris et puis pour les chirurgiens de province. Et l'Académie royale de chirurgie fondée en 1723. On arrive donc justement à ce point de bascule que l'on évoquait tout à l'heure, quelques années après la fermeture de la confrérie de Saint-Côme, une fistule anale va faire basculer l'histoire de la chirurgie, et pas n'importe quelle fistule, celle du roi Louis XIV. Comment opère-t-on une fistule, même royale, au XVIIe siècle, et avec quels instruments? Antoine Beauchamp, toujours en quête de sensations fortes, est allé se renseigner au musée de la médecine. Montez le volume et accrochez votre ceinture, ça secoue un peu. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est Béatrice Lubin, guide conférencière au musée d'histoire de la médecine à Paris, qui nous présente quelques-uns des objets emblématiques de cette longue histoire de la chirurgie. Des coffrets utilisés pour la trépanation aux nécessaires chirurgicaux destinés aux amputations sur les champs de bataille des guerres napoléoniennes, en passant par le célèbre scalpel qui sauva Louis XIV d'une fistule anale, c'est toute une histoire de la chirurgie qui se déroule sous nos yeux et qui nous rappelle que nous avons plutôt de la chance de vivre à l'époque de la chirurgie de précision. Vous êtes dans une salle qui a été prévue pour être une annexe de la bibliothèque. ce qui explique en fin de compte les vitrines très plates et la coursive qui vous donne un étage en mezzanine qui donne le charme extraordinaire de cette salle. Et historiquement, quand Gondouin fait le collège de chirurgie, il prévoit une salle pour la pédagogie réservée comme musée historique des instruments de chirurgie et qui n'était ouvert qu'aux étudiants de médecine. Toutes les vitrines qui nous entourent, et elles sont nombreuses et richement achalandées, sont pour une bonne partie d'entre elles dédiées aux instruments chirurgicaux. Est-ce que vous pourriez me décrire certains objets, certains coffrets qui sont dans ces vitrines ? On va peut-être commencer par la vitrine qui est devant nous. On a un coffret qui est un peu particulier. Décrivez-moi ce qu'on voit dans ce coffret et puis après on décrira la fonction. Alors, on y voit une chignole, donc les bricoleurs peuvent se figurer exactement ce que c'est donc une manivelle, avec un embout sur lequel on va fixer au choix un type de lame par rapport au trou qu'on veut faire, et généralement c'était dans le crâne qu'on faisait le trou. Vous imaginez cet outil qui était surtout utilisé en cas de trauma crânien, puisqu'on se trouve au XVIIIe siècle, la boîte date de 1738. Il s'agissait de soulager une pression intracrânienne, mais surtout quand il y avait eu un projectile, et pour ébarber les os et éviter qu'ils rentrent dans le crâne. C'est vraiment une caisse à outils un peu particulière, puisqu'il y a plusieurs mèches, comme pour les perceuses. Exactement. Décrivez-moi ça. Ces mèches, parce qu'elles sont quand même assez impressionnantes, et on a du mal à se représenter une trépanation avec ces outils. Alors, il s'agit de petits cylindres striés. Chaque strie est en fin de compte une lame qui se finit par une petite dentelure, plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, comme vous pouvez le voir. Très affûtée, parce que l'os crânien est quand même assez épais et solide. Et en fin de compte, par le bout, on le rentre comme une perceuse aujourd'hui, tout simplement. On n'a pas le moteur. Oui. Et on vrillait en fin de compte dans l'os pour créer un sillon jusqu'à ce qu'on perce la boîte crânienne. À cette époque, en 1738, l'anesthésie n'existe pas. Non. À côté de nous, dans une vitrine, il y a une lame très très particulière, mais qui a un rôle historique conséquent dans l'histoire de la chirurgie. Tout à fait. Expliquez-moi ce qu'on voit dans cette vitrine, dans ce tabernacle presque. On ne pourrait en effet le mettre encore plus en valeur. Il s'agit du bistouri utilisé par le chirurgien Félix pour opérer Louis XIV d'une fistule anale. Il s'agit donc d'un abcès placé à l'intérieur de l'anus, un peu profondément. Ce bistouri, en fin de compte, c'est la première fois qu'on opère à l'intérieur. Le danger, c'est que le pus n'aille pas dans le sang, parce que là, c'est septicémie et c'est la mort. Donc, vous comprenez le danger dans un endroit où on n'a pas accès facilement, où on voit mal. Alors, Félix va se faire la main sur quelques prisonniers qui ne survivront pas tous à l'opération. Ce qui lui permettra de dessiner ce bistouri avec cette lame courbe d'un scalpel, mais qui est prolongée par une tige courbe qui sert en fin de compte de guide et d'appui. Quand il a introduit le bistouri, alors il a fallu déjà élargir le fondement royal. Et en introduisant le bistouri, Félix avait protégé le coupant avec une petite lame d'étain. Donc, pas de risque à l'entrée. À ce moment-là, il tirait, il enlevait la feuille, il incise l'abcès, et c'est là où ça devient dangereux, c'est retirer le bistouri. Tout se passera très bien, le roi survivra. L'enjeu était qu'il souffrait tellement qu'à la limite, il préférait la mort. Quand on parle de chirurgie, on pense évidemment au champ de bataille, à la guerre, puisque ça a été aussi une des fonctions premières des chirurgiens, c'était de réparer les blessés. Là, on est face à un coffret qui est complet. Comme un écrin, un bijou, oui, presque. Oui, c'est très très beau, vu comme ça. J'imagine que voilà, la fonction était peut-être moins esthétique. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on voit là. Il s'agit bel et bien d'une trousse de chirurgie, puisque vous avez alors des couteaux, je reviendrai après, une scie lame, mais une scie chaîne. C'est l'ancêtre de la tronçonneuse. Après 1850, on a carrément, il manque plus que le moteur et on est à la tronçonneuse. C'est plus efficace et c'est plus rapide. pour le scier les os, évidemment. On a évidemment la chignole pour la trépanation, et puis tout un tas de petits objets, fer à cautériser, petits fer à cautériser, puisque après qu'on est amputé, il faut stopper l'hémorragie, et on procédait à la cautérisation. Pour les couteaux, il faut savoir que Dominique Larrey, chirurgien de Napoléon sur les champs de bataille, avait compris que plus vite l'amputation et la plaie étaient refermées, moins le risque d'infection pouvait exister. Donc, il n'amputait pas, il démembrait, c'est-à-dire qu'il ne sciait pas l'os, il allait à l'articulation, il coupait les tendons et refermait la plaie. Ce qui pouvait en effet prendre quelques secondes, là où il fallait plusieurs minutes pour scier un os. Imaginez, je vous donne un manche à balai, une scie, les auditeurs pourront parfaitement se figurer le geste et le temps que ça prend. Oui. Et la souffrance que ça implique. Absolument, donc, il fallait aller à l'essentiel. Oui. Pour sauver la vie du soldat, pour qu'il puisse resservir après. Finalement, c'était un peu comme la technique de la découpe du poulet, on allait chercher... Absolument, c'est l'exemple que je prends généralement, ce qui a souvent le mérite d'horrifier mon public, parce que tous les dimanches matins, tous les dimanches midi plutôt. C'est l'heure du poulet. Si on doit faire un résumé rapide, qu'est-ce que nous disent ces vitrines sur l'évolution de l'histoire de la chirurgie, de son développement et de son perfectionnement? Ça nous apprend à être beaucoup modestes, parce que à chaque découverte, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs siècles ou un temps relativement long pour que la découverte soit appliquée et applicable en médecine ou en chirurgie. Voilà, la médecine au XVIIe siècle, comme si vous y étiez. Une réaction rapide à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Jean-Louis Blanc. Oui, ce musée d'histoire de la médecine est exceptionnel, il y a des objets tout à fait exceptionnels. Absolument. Je reviens 30 secondes sur les scies qui ont été montrées. Il y a eu la scie qui est une scie avec le principe étant le principe du fil à couper le beurre, c'est-à-dire c'est un fil, c'est un câble qu'on passe de chaque côté de l'os et qui va permettre à le couper, permet quand même de couper un os, un fémur ou un truc assez rapidement. J'ai le malheur d'avoir été très synesthésique sur cette chose et d'avoir entendu le bruit, ce qui n'est pas très très agréable pour un novice de la chirurgie comme moi. Jean-Noël Fabiani, seulement une réaction à ce que vous venez d'entendre. Oui, je m'étais amusé une fois à prendre une des boîtes de ce musée pour une boîte d'amputation et l'amener dans mon service à côté d'une de mes boîtes d'amputation. Et en dehors du fait que les instruments du XVIIe siècle étaient beaucoup plus jolis et beaucoup mieux décorés, les instruments étaient les mêmes. C'est-à-dire que finalement, pour faire une amputation aujourd'hui en 2022, eh bien, on a les mêmes instruments que ceux qui étaient utilisés par nos ancêtres. Alors on va avancer dans cette histoire de la médecine, on l'a dit, hein, après cette histoire et après Félix le barbier chirurgien du roi Louis XIV, Louis XV va instaurer l'Académie royale de chirurgie à Paris en 1723, c'est le début de la réconciliation, on recommence à reconnaître et à estimer les chirurgiens, peut-être pas tout de suite au même niveau que les médecins, mais c'est en tout cas sur la bonne voie, et puis vont arriver les grandes guerres, et comme on l'a dit depuis le début de cette émission, la guerre et la chirurgie avancent de concert. Un mot peut-être là-dessus, Jean-Noël Fabiani-Salmon, à commencer par les guerres napoléoniennes. Oui, enfin, je vous ai trouvé très optimiste en disant que ça a été la réconciliation. Pas du tout. La création de l'Académie de chirurgie a entraîné de la part des médecins, au contraire, la montée d'une opposition ferme. La seule personne qui va régler la question entre médecine et chirurgie, c'est Bonaparte. Pas lui exactement, mais ceux qui travaillaient pour lui, en disant, bah voilà, maintenant, à partir du moment, la médecine et la chirurgie, ce sont les deux enfants de la patrie. Autrement dit, c'est Larrey, dont on vient de parler, a été le premier chirurgien à passer sa thèse de doctorat et devenir docteur en médecine. Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que, en tout cas, sur le plan de la fonction et du titre, eh bien, les chirurgiens et les médecins ont le même statut en France. Donc, il faut quand même attendre donc la Révolution et plus précisément le Consulat pour que il y ait égalité entre médecins et chirurgiens. Alors bien sûr, vous parliez des grandes guerres napoléoniennes. On a évoqué le baron Larrey, évidemment, parce que c'est une figure très importante, avec quand même un apport de sa part qui est fondamental en chirurgie, qui est l'urgence. Oui. On n'a pas le sens de l'urgence avant Larrey, même en chirurgie de guerre. C'est lui qui, le premier, dit il faut aller le plus vite possible, parce qu'on a la meilleure chance de sauver le soldat. Et il va créer ces fameuses ambulances volantes qui vont aller sur le champ de bataille pour ramasser les blessés. Ce que je disais tout au début de cette émission dans la présentation, Jean-Louis Blanc, l'histoire de la chirurgie, c'est l'histoire de réduire le temps de l'intervention, mais en tout cas de gagner du temps pour le chirurgien, c'est-à-dire de gagner du temps calmement, tranquillement, justement contre bien tous les processus naturels bien de coagulation, d'infection. Et c'est petit à petit ce que vient de dire Jean-Noël Fabiani-Salmond, d'un seul coup une lutte contre le temps et l'introduction de la notion de vitesse dans l'acte chirurgical. Oui, cette notion de vitesse, elle va, comme vous le disiez en introduction, elle va ne plus être impérieuse lorsque on va avoir les techniques d'anesthésie générale, l'anesthésie générale qui va nous venir au milieu du 19e siècle des États-Unis de façon assez étonnante, par les dentistes américains qui vont trouver, on peut dire, et faire utiliser l'anesthésie générale par inhalation, que ce soit au protoxyde d'azote ou que ce soit à l'éther, et puis après, avec le chloroforme. Bien sûr. Je vous renvoie d'ailleurs, nous avions consacré très récemment une émission entière à l'histoire de la douleur et de l'anesthésie, et nous avions raconté ça tout au long d'une heure. Ce qui est intéressant de dire, c'est que à cette même époque, Jean-Louis Blanc, arrive ce qu'on appelle les 3A qui vont drastiquement changer la pratique de la chirurgie. L'anesthésie, vous venez de le citer, mais également l'antisepsie avec Samuel Weiss et l'asepsie qui permettent d'un seul coup, de démultiplier le taux de survie à l'acte chirurgical par rapport aux années précédentes. Oui, exactement. C'est le grand monsieur de l'antisepsie, c'est Lister, qui avait eu connaissance. Il avait eu connaissance des travaux de Semmelweis sur l'hygiène et la nécessité de se laver les mains. Il avait eu les connaissances des premiers travaux de Pasteur sur les microbes, de Louis Pasteur sur les microbes, et il a imaginé une technique de façon à essayer d'éviter la pénétration des germes dans la plaie en utilisant des pansements, des compresses imprégnées d'une solution de phénol diluée qu'il plaçait sur le site chirurgical et qui lui a permis d'avoir des résultats tout à fait extraordinaires. Malheureusement, cette méthode antiseptique, elle s'est développée relativement lentement parce que le phénol était très toxique et elle a été remplacée par la suite par des produits qui ont été beaucoup mieux tolérés, des produits iodés d'abord, qui ont été largement utilisés, notamment pendant la guerre de 14, et puis les produits, évidemment, style à base d'hypochlorite de sodium, comme la solution de Carrel d'Aquin, qui, pendant la guerre de 14, a permis de sauver un grand nombre de blessés de la gangrène. Oui, pour revenir à l'histoire de Semmelweis, qui est une histoire absolument incroyable et qui mériterait non pas une seule heure, mais des heures de documentaire. Ça a déjà été fait sur France Culture, puisque c'est une grande traversée de Christine Le Serre. Nous allons vous mettre le lien. Je vous recommande vivement l'écoute de ces 4 heures de documentaire sur l'histoire de Semmelweis et de l'apparition de l'hygiénisme. C'est absolument passionnant et on vous met le lien sur notre feed Twitter. Un mot peut-être, Jean-Noël Fabiani-Salmond, sur l'apparition et la modification, c'est-à-dire que d'un seul coup, les chirurgiens ont le temps d'opérer puisqu'il y a l'anesthésie, il n'y a plus d'infection post-opératoire, donc il y a un taux de survie qui passe de 1 sur 3, 1 sur 2 à 80%. Vraiment, le visage de la chirurgie est littéralement transformé au 19e siècle. Il est totalement transformé et il est transformé aussi par un autre élément qui est que la création de l'internat par Bonaparte, qui finalement va attirer vers l'hôpital public les médecins, qui n'y avaient pas, mais aussi les chirurgiens. Et les chirurgiens vont peu à peu, au cours du siècle, régler toutes les grandes opérations d'exérèse. Si bien qu'on arrive à la fin du 19e siècle, où toutes les grandes opérations comme l'hystérectomie, comme la gastrectomie, la cholecystectomie, sont parfaitement décrites et parfaitement réalisées. Autrement dit, il y a eu un travail qui a été fait, je dirais presque, en utilisant les pauvres gens qui sont à l'hôpital, pour mettre au point toutes ces opérations. Bien entendu, il ne s'agit pas de chirurgie de reconstruction, il ne s'agit pas de chirurgie de transplantation, ça sera le travail du XXe siècle, mais au XIXe siècle, quand la guerre de 14 arrive, grosso modo, on a fait toutes les grandes opérations de chirurgie d'exérès. Mais arrive la grande guerre, la guerre de 14, Jean-Louis Blanc, et là, avec la guerre de 14, arrive précisément l'entrée dans une nouvelle forme de chirurgie qui est liée, eh bien, à une nouvelle forme de blessure, et d'un seul coup, c'est, comme vient de le dire Jean-Noël Fabiani-Salmon, un nouveau pan de la chirurgie qui va s'ouvrir. Bien sûr, c'est l'apparition de blessures nouvelles par le fait que après l'explosion technique, on a l'artillerie a fait des progrès, enfin entre guillemets considérables. On a des moyens de destruction massive, que ce soit par les obus et que ce soit aussi par les mitrailleuses. Donc on va avoir des quantités très très importantes de blessures, de blessés qui ont des blessures tout à fait nouvelles pour les chirurgiens, et les chirurgiens vont devoir inventer, créer un pan nouveau de la chirurgie qui va être la chirurgie réparatrice, en particulier au niveau de la face, et ça sera l'origine de la chirurgie réparatrice de la face. Et puis arrive aussi le progrès technique, puisque si la chirurgie évolue avec les guerres, elle évolue aussi avec le progrès technique. Et la Première Guerre mondiale, Jean-Noël Fabiani-Salmon, c'est aussi les petites curies, c'est-à-dire que c'est l'arrivée de la radiographie sur le champ de bataille, et on peut voir avant d'opérer, et ça c'est un progrès gigantesque. Évidemment, c'est un progrès gigantesque. On commence à savoir ce qui se passe à l'intérieur avant d'opérer. Pour la traumatologie, ça a été fondamental. On savait exactement quelles étaient les fractures et on a pu ainsi les traiter de façon plus adaptée, évidemment. Et puis, comme le disait Monsieur Blanc, c'est que évidemment, on a une autre type de guerre. On est dans les tranchées et quand on est dans une tranchée, on a moins de blessures au niveau des membres, mais par contre au niveau de la face, parce que on soulève la tête au-dessus de la tranchée et c'est là où on prend les coups. Et le début de la chirurgie maxillofaciale, bien entendu, et reconstructrice, eh bien, elle date de la Grande Guerre, c'est évident. Un mot de conclusion, puisqu'on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission, et la chirurgie de demain. Alors, on dit aujourd'hui beaucoup, et on en a parlé à ce micro, que la médecine du futur, c'est une médecine de précision, c'est une médecine prophylactique, une médecine individualisée, c'est-à-dire une médecine qui finit par éviter quasiment la chirurgie. Est-ce que la chirurgie est vouée à disparaître ou à devenir exceptionnelle, à votre avis, Jean-Noël Fabiani-Salmon? Elle va être différente, ça c'est certain. Elle va être différente d'abord parce qu'on va utiliser de plus en plus toutes les voies d'abord naturelles, c'est-à-dire les artères, les veines par lesquelles on peut monter maintenant des cathéters pour pratiquer des actes de type chirurgicaux, notamment dans ma discipline en chirurgie cardiovasculaire. Elle va aussi bénéficier de la robotique. La robotique, qu'est-ce que c'est? C'est l'introduction d'un ordinateur entre le chirurgien et le malade, avec toutes les possibilités qu'offre un ordinateur. Je ne peux pas vous les donner maintenant, mais c'est énorme, y compris avec l'interposition des éléments d'imagerie comme le scanner ou l'IRM qui vont se plaquer sur l'anatomie réelle du patient en permettant de faire une opération directement guidée. Et puis aussi, et là, c'est la chirurgie classique, ouverte, va garder vraisemblablement toute sa place, c'est tout ce qui est transplantation. Voilà. Le chirurgien de demain est un chirurgien transplanteur ou d'organes qui auront été prélevés, ou bien d'organes artificiels. Regardez maintenant avec le CARMAT qui a été mis dans mon service. Le cœur CARMAT. Le cœur CARMAT, oui. C'est comme si on faisait une transplantation cardiaque, oui, mais avec un organe artificiel. Or, demain, on aura non seulement des cœurs artificiels, mais aussi des reins artificiels, des foies artificielles. Donc, il faudra les implanter. Et là, le chirurgien de demain, grosso modo, c'est un chirurgien implanteur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Louis Blanc. Merci Jean-Noël Fabiani-Salmon. On peut vous lire dans l'incroyable histoire de la médecine en bande dessinée, illustrée par Philippe Berkovici, édition des Arènes. Merci de nous avoir raconté cette histoire passionnante de la chirurgie. Merci une fois de plus à toute la grande et chouette équipe de la méthode scientifique. Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Laure Roumabadi à la technique. Et comme toujours, c'est Marie-Claire, décidément, c'est un gag. Comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr. À tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.